Alors, on va passer, merci, on va passer donc à Daniel Gégé et Jean-Paul Fargier pour leur demander de se prêter un peu au même exercice. D'où viennent-ils et comment arrivent-ils à la vidéo ? Daniel, peut-être. Daniel, avec... Oui, moi j'ai toujours, enfin depuis mes années ciné-club en Suisse, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Donc, j'ai fait l'école de cinéma l'IDEC. Et à l'IDEC, j'ai tourné des petits films et elle a sorti On va retrouver ça dans les archives, c'était la surprise, excuse-moi, on m'a interrompu. Mokhtar, il a été, je pense, une des victimes de les histoires Ben Barka. Un Autrichien dans le nom de Schwarzbach, je crois, donc moi, Jacques Fanstel, Catherine Poubeau, et un garçon dont je ne me souviens plus du nom, mais je sais qu'il avait subi très difficilement ses années de guerre en Algérie, pour vous citer. Voilà. Algérie. Oui. Bon, parce que ça m'évoque cette fête à l'IDEC, voilà. Donc, à la sortie de l'IDEC, j'avais fait avec un copain un long métrage qui a été dans plusieurs festivals, Panneau ne passera pas. Puis après, grande période féministe, grande réunion avec Christine Delphi ici présente et d'autres, Nadia Ringard et d'autres. Et film féministe court, et tout ça en 16 mm, mais en 16 mm sans son synchrone. Je ne parle pas de Panneau ne passera pas, qu'il y a du son synchrone, mais sans son synchrone parce qu'on n'avait pas de moyens, on récoltait les cassettes images inversibles. À la télévision, à Cognac-Jay, par le fameux Colonna qui vendait ça sous le manteau, mais pas tellement sous le manteau, puisque c'était le café d'à côté. Comme ça, des films. Et puis apparaît la vidéo, on fait connaissance avec des personnes qui avaient déjà tourné en vidéo, le groupe qui a tourné Les Femmes de Troyes. Nadia, tu en faisais partie, je crois. On peut les énumérer. Je oui. Il y avait Ned, surtout, qui tenait la caméra. Ned Burgess, qui tenait la caméra. Annette Lévy-Villard, Cathy Bernheim, Suzanne Fenn, Catherine Dedon, et je crois que c'est tout. C'est toi, tu n'en faisais pas partie ? Non, j'ai beaucoup exploité le film après. On en a fait des articles. Voilà, donc, à vision de ces films, et aussi des films des Roussopoulos, il y a tout d'un coup l'envie de faire de la vidéo parce que bon, moi j'avais fait du montage pas mal et je voyais pas tellement, je veux dire, il me manquait de voir les choses en trois dimensions parce que quand on est devant une table de montage, on a l'impression que tout est plat et on se coltine pas au mur, à tout ce qu'il faut pour tourner. Donc cette envie-là, l'occasion, la grève de Cerisay, qui était une grève de femmes et une grève autogestionnaire. Voilà. Jean-Paul, peux-tu rappeler ton parcours que tu as un petit peu évoqué la dernière fois, mais ce serait bien que tu le reprennes justement pour des personnes qui n'étaient pas forcément là. Monter plus loin, tout le monde parle de cinéma. Donc j'étais coopérant au Maroc et j'avais fondé un ciné-club, puisque j'avais déjà participé à un ciné-club à Nîmes. Bon. Je tournais des petits films en 8 mm, et puis, que je n'ai jamais monté d'ailleurs, pour tourner. Et puis, là, j'ai adhéré au PSU au Maroc. Ça, c'est important, parce qu'après, quand je suis arrivé à Paris, après la coopération, je suis allé au PSU et j'ai dit, je suis critique de cinéma, je n'avais jamais rien écrit encore. si vous voulez, je peux faire des papiers sur les films qui sortent, comme ça. Alors ils m'ont dit, fais-en un, on verra bien. Et puis ils m'ont dit, tu écris où ? Alors j'ai dit, dans Télé-Ciné. C'était une revue Ciné-Club. Et à Télé-Ciné, quand je suis allé, ils m'ont dit, où t'écris ? J'ai dit, à Tribune Socialiste. Et j'ai débuté dans les deux en même temps. Voilà. Et ça, c'était fin 67, quoi, voilà. Et très vite, je suis tombé sur la vidéo, comme je l'ai raconté la dernière fois, par Godard, en allant l'interviewer fin 68, début 69, voilà. Et puis j'ai fait de la vidéo avec l'appareil dont on a parlé la dernière fois, qui en fait a circulé un peu Roussopoulos, non pas Roussopoulos, Godard, Marker. Nous, entre-temps, on avait fait deux ou trois trucs, Leblanc et moi, qui avons fondé Cinétique en décembre 69. Et tout de suite, on s'est intéressé beaucoup à la vidéo, aux nouveaux médias, et on voulait faire une revue vidéo de cinéma qui doublerait la revue papier. Voilà. Donc on faisait des entretiens, on ne pouvait pas monter, donc on avait des piles d'entretiens comme ça, on ne savait pas trop ce qu'on en ferait. Et puis, moi, je continuais à faire des articles de cinéma. Je voulais être plus critique de cinéma en me disant que par le mythe de la nouvelle vague, on passe par la critique et on devient cinéaste. Voilà. Et donc, j'ai fait des... Il y avait Cinétique. Cinétique, on faisait des films, mais des films militants. Et puis, j'ai rencontré Daniel en 71. Et on a uni nos forces comme ça tout d'un coup pour faire de la vidéo à partir de 73. On devait en parler déjà en 72. Alors entre temps, je sais pas à quel moment on a fait le film Cinétique Quand on aime la vie, on va au cinéma, qu'on a monté à la maison sur une table de montage que tu avais. C'est un peu, et juste après il y a eu la vidéo. Voilà, bon. C'est vrai que c'était un moyen de faire du cinéma d'une façon autonome, sans être tributaire d'un financement coûteux, lourd. Et on était militants, j'étais dans les actions et tout ça. Quand Rocard était candidat, j'étais aussi, j'ai passé mai 68 en grande partie dans les locaux. Des fois, je raconte comme ça à des gens qui sont... Je les ai pâtés un peu. En 1968, j'étais garde du corps de Rocard. Parce qu'on gardait la nuit le local, tout ça. Bon. Parce que là, l'extrême droite devait nous attaquer, ils ne venaient jamais. Mais là, évidemment, ils ont pris un peu de retard, mais ils sont arrivés. Ils sont venus, oui. Ils sont quand même venus. Ouais. Voilà. Donc, le premier film cerisé fait par Daniel et Annie, je suis pas allé au tournage. J'ai un peu participé au montage. Et puis on a fait d'autres tournages après, mais c'est peut-être... Daniel, peut-être que tu pourrais préciser quel était aussi ton rapport à la politique, parce que Jean-Paul donc, a précisé qu'il avait adhéré au PSU quand il était au Maroc. Et toi, est-ce que tu peux resituer... Tu as précisé tes liens avec le mouvement féministe, mais comment tu te situais? Et familialement aussi, puisque je connais la filiation. Beaucoup à cette époque, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, des parents communistes. Et mon père était, là j'ai encore relu des lettres hier, très stalinien, enfin jusqu'à ce que Khrouchtchev fasse au 20e congrès du Parti communiste où Khrouchtchev a commencé à dire ce qui s'était passé sous Staline. Et donc, quand mai 68 a éclaté, j'étais à Paris, j'étais contente et tout, mais je regardais les groupes politiques avec un certain recul, tout en étant, disons, d'extrême gauche, à cause de ce passé stalinien, parce que je voulais vraiment ne pas retomber dans ce qu'avait vécu surtout mon père. Donc, dès qu'il y a eu des expériences autogestionnaires, ça m'a particulièrement plu. Est-ce que tu peux présenter Cerise et Elles ont osé, qui est votre premier film vidéo, et avant qu'on en voie un extrait? Ah, c'était... D'ailleurs, là, on voit sur la blouse de ces ouvrières en grève, mais en grève active, qu'elles font référence à LIP, parce que c'est écrit PIL, c'est LIP à l'envers. Donc c'était une grève à Cerizay, qui est dans les Deux-Sèvres, de femmes qui travaillaient dans la lingerie, dans le... confection. Oui, la confection, et qui ont décidé de réunir des machines à coudre et de faire un atelier par elles-mêmes, sans les patrons. On voit pendant le film qu'elle parle de tout ce que... comme c'est différent de travailler en autogestion ou de travailler sous les ordres d'un petit chef. Ouais. Mais leur délégué syndical avait été licencié. Et c'était ça le départ de la grève. Oui, tout à fait. Et donc, elles avaient envahi les ateliers, fait grève, on les avait virées. Et du coup, comme elles ne pouvaient pas remettre en route la production comme les LIP à l'intérieur de l'usine, elles l'ont fait dans des garages, des bâtiments qu'on leur prêtait, et elles avaient fait des ateliers sauvages. Mmh. Voilà, ça nous faisait beaucoup, les ateliers sauvages. Après, on a filmé un abattoir de poulet sauvage, abattoir sauvage de poulet. Voilà, donc, et là, elle est là, la déléguée, non? C'est pas celle du milieu? Non, je crois pas. Elle est pas là? On va vous montrer donc un extrait de 6 minutes. Et la photo qu'on a vue, c'est une photo de Christian Weiss, qui faisait beaucoup de photos pour Libé à l'époque, et qui est devenu géographe depuis. Sauvage donne aux grévistes un formidable instrument de popularisation. Le combat des piles est bientôt aussi célèbre que celui des lipes. Les commandes de solidarité affluent de la France entière et même de l'étranger. Ainsi, les 95 arrivent à se payer aussi bien que chez Cousseau. Et pourtant, en 2 mois, elles ont moins produit que Cousseau en 1 jour. Ce qui en dit long sur les profits que ce monsieur doit réaliser. Leur profit à elle est ailleurs dans cette affaire. Il est dans tout ce qu'elles découvrent en organisant elles-mêmes leur travail. Toutes les questions que ça amène, toutes les perspectives que ça ouvre, tout ce qui change tout de suite. Quoi? Oh ben, pour moi, c'est que chacun ne s'occupe pas son problème de sa boîte. Hein. C'est que si un jour on a à soutenir qu'une autre boîte, on le fera. Mais il y a des boîtes où c'est chacun son petit problème. Hein. Et vous l'avez déjà fait? Oui. Nous arrivons, oui. Non. Non, on s'occupait beaucoup moins. Maintenant, on s'occupera certainement plus. Je sais pas, est-ce que vous écoutez les informations pareil? Non. Personnellement, avant, je m'occupais pas de libre. Maintenant, toute information, je les écoute. C'est pas pareil, il faut le vivre. Hein. On savait pas ce que c'est, maintenant, c'est ce que c'est. Alors, on s'occupe plus. Alors après, je vois la maison pour moi, avec ma gosse, et ben, je suis bien moins énervée que quand je sors de l'usine. Les gosses en subissent moins les conséquences. Hein. Parce que là, on vit plus librement les unes aux autres, on se dit ce qu'on pense. Tandis qu'à l'usine, bon, bah, on est toujours traqué par l'une ou par l'autre qui nous fixe, qui est là à dire qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On ne peut pas s'échanger les unes aux autres, on ne peut pas... C'est du tout pareil, quoi. Oui, mais ça. Bah, la femme, elle a son travail à faire comme n'importe quelle ouvrière à l'usine. Et surtout le travail au rendement, bah, le soir, souvent quand on arrive, bah, on n'a même pas envie de faire notre travail. quand on fait encore la cuisine, mais quand on a fait qu'on a mangé, on n'a même pas envie de se relever. Mais enfin, il faut dire aussi que de plus en plus, les hommes à la maison nous aident. Enfin, moi, je vois bien mon mari, il m'aide à faire la cuisine, à faire n'importe quoi, quoi. C'est quand même normal, on travaille tous les deux, qu'on s'aide mutuellement, quoi. Enfin, je pense que c'est quand même un double travail pour la femme. C'est un double travail, quoi, pour la femme qui travaille. Et surtout, les femmes qui ont des enfants, c'est encore pire, parce que souvent elles disent on ne peut même pas les supporter le soir. Quand ils sont sur les nerfs. Hein. Quand ils pleurent. Alors maintenant qu'elles sont... On a une deuxième journée à faire en arrivant, hein. Je trouve qu'elles ont bien raison. Vous savez, parce que la vie n'est pas toujours belle dans cette usine. Votre fille, il travaille? Trois même. Trois filles. Enfin, maintenant, il n'y en a plus que deux. Mais elles ont été trois. Et puis, ça leur fait toujours beaucoup, beaucoup de peine d'aller travailler dans cette usine, parce que c'est très, très dur. Elles n'en font jamais assez. Quand elles ont un nombre à faire, quand ce nombre est arrivé, il faut en faire encore plus, et toujours plus. Daniel, sur ce film, ce serait peut-être bien que tu donnes quelques éléments sur votre méthode de travail, parce qu'il y a eu un travail mené vraiment sur le terrain, un travail d'enquête, de lien sur un temps long, qui n'était justement pas un temps de journaliste, puisque c'était des approches contre lesquelles vous vous inscriviez. Oui, ben, la première fois qu'on est allé à Cerizay, d'ailleurs, c'était Nourita Vive qui tenait la caméra. Et on tourne avec enthousiasme. Les filles de Cerizay nous regardent avec un peu de réserve, mais on tourne quand même. Et on rentre à Paris, catastrophe, comme ça arrivait souvent avec les porte-à-pâques, poussière sur une des têtes, grisouillis, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, neige, etc., sur une image sur deux. Donc. Bon, la chose à faire, c'est d'y retourner. Nourri ne pouvait plus. Bon, je me suis dit, bon, bonne occasion de prendre la caméra. On y retourne. Et le fait qu'on revienne, elles nous l'ont dit. Ah oui, vous n'êtes pas de passage, vous venez. Et ça a tout de suite créé un climat de sympathie qu'on sent, me semble-t-il, par... elles sont ouvertes, quoi.